لأن الجوازي لم يعد صالحا للسفر. وبعد هذه المشكلة قررت بالاتصال بخالد. طيب. مفهوم؟ نعم مفهوم. تمام. وأنت استطعت أن تكتب؟ هذا صغير. ها؟ سهل سهل، ما في شيء، ما طلبنا منك يعني مجلدا. مع صديقي. ها؟ كنت؟ كنت مع صديقي. لو قلت مثلا كنت بهذا بواسطة صديقي مثلا. لا أفهم يعني هذا الجملة؟ لا لا لا، يا كم يعني الأحكام، يعني الرجل، يعني quelque chose de spécifique après كنتو، quelque chose de spécifique après كنتا. Ah ouais, comme on a fait misère كنتو بي. Toi tu t'inspires de ce qui est écrit dans le texte. Tu regardes bien la question. Mais comme tout, il a un sens de prendre l'engagement. Là, ici, ouais, s'occuper de. Mais c'est avec le bi que ça donne ça. Même comme tout, tu nous parles à tout seul, ça ne veut pas dire prendre l'engagement. Faut bi avec. Faut bi ou tu peux même prendre bi, peut-être ça peut. Ça peut être avec ala aussi. Akum ala zalik. Sadisan. Kefa kumta bi istikhraj ta'shirat al khuruj. ما عندي تأشيرة الخروج، ما أحتاجها. طيب وأنت عجبت؟ لا أكل نصوب أستفيد من الأخطاء هذه دي نكوريج ونبوفيت لا نفس الفراز كيسك جيني عروج إيش قلت؟ كنتو مع صديق. تعرف معنى كيف كنت باستخراج تأشيرة الخروج؟ أفهم ولكن لا لا لا لا réponse sera très simple. Tu dis ما كنت بذلك. T'as pas fait de tâcher à ce خروج. T'as pas fait de sortie. خلاص. ما فعلت. هذا كان الجواب. Mais est-ce que dans ce genre de question, on peut répondre quelque chose de par exemple, je suis allé ici pour le c'est un mensonge ou Si tu le précises, Inch'Allah, tu le précises. Par exemple, je sais pas, tu as fait un truc, tu n'as pas forcément envie de le dire. Parce que c'est un exercice, tu vois, c'est pas. Tu dis, ouais, j'ai. Pour m'entraîner, j'ai fait une histoire, tu vois. Pas de mal. Hein? Il n'y a pas de mal, mais entre nous, là, Inch'Allah, à la baisse. Tu vois. Tu dis, j'ai fait une histoire et tout. De moi-même. Juste pour pouvoir m'entraîner, justement, à employer les verbes. Ou peut-être, des fois, dans ton histoire à toi, elle est trop compliquée à expliquer. Donc tu fais un truc. Parce que le kitab il est basé là-dessus, tu vois. Mahmoud il n'existe pas, Rachid il n'existe pas. Tu vois. Là c'est pour t'entraîner, employer les mots, et à faire l'histoire. Non. Ça y est. Ça n'a trop le fait. Ad-dars al-thani. العنوان في مكتب الحجز dans l'agence de réservation. مكتب comme on l'a dit, ça peut dire bureau, et là ce serait agence. Vous voyez, بحج réservation. مصدر الحجز هذا يحجز. طيب الكلمات الجديدة رحلة. رحلة c'est معنى بمعنى سفر. طيب رحلة بمعنى سفر. السبت هنا معنى سمدي. يوم السبت سمدي. مكان une place un endroit. لكن هنا القصد هو يعني سياج une place pour dans l'avion. عليك Là, dans le sens, là, c'est un harf jar avec un damir. طيب, c'est ala avec ka. Lakin, il dit qu'il est là, alayka bi kaza, ou alayka tafal kaza, c'est il faut que tu fasses ça ou ça. طيب,

نوم طيب نوم سير الصمي وصول سير الغيبي دخل يدخلوا معروف ادخل c'est le verbe homme c'est l'impératif de rentrer قبل ça veut dire avant ايوه متى ça veut dire quand هناك ça veut dire là-bas طيب هناك ça veut dire là-bas طيب نترك التراكيب النحويه والصرفيه سنعرف بعد ان شاء الله العبارة هذه الإكسبرسيون dans le texte on va trouver l'expression qui veut dire على الأقل qui veut dire au minimum على الأقل vous avez pris l'asma tafdil déjà كبير أكبر صغير أصغر صغير أسرع vous avez pris l'asma tafdil t'as déjà pris toi pas tous non mais t'as appris comment on les fait alors comme on dit Zayd est plus grand que que Amr. Moi je disais Akbar. C'est ça, c'est Tafdil, Akbar. Ça vient de Kabir. Enfin, Akol, c'est une Qalil. Akol, c'est le ism Tafdil de Qalil. T'as vu? Au minimum. Comme il dit, Rafakatka al-Salama, que la paix t'accompagne. Ça, c'est parmi les ribara muntakada. Tu vois. Bah, à la base, il y a un doa quoi, pour Moussafira, tu n'oublies pas ça. Quoi, tu vois. Un doa, c'est Astaudi'u qu'Allah, elle a dit le di'u wa da'i'u. Tu vois, tu ne dis pas Rafakatka al-Salama. Voilà quoi. Maintenant, peut-être c'est un mouazef qui dit ça à un kafir, peut-être, mais entre muslimines, tu vois, pas un doigt entre nous, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est ce qu'elle aime là, tu vois, c'est un truc, voilà quoi. Ma fille, Faïda. Al-Aqal, au maximum, tu veux dire Al-Aqsar. Aïe, c'est Al-Aqsar. Non. Moi, je dis au maximum. Al-Aqsar. C'est le kafir, tu prends le ism de kafir, tu dis Aqsar. Mais pour l'imaza Khalil, on dit Akala et les autres on dit Omen Sukun, Akbar. Parce que Khalil, tu vas prendre dans sauf là, Khalil, il a deux lettres qui sont pareilles, il a deux lèmes. Donc là on a rentré un lème dans un autre. C'est pour ça qu'il y a une shadda, Akal. Akbar, il y a trois lettres différentes. Donc tu peux toutes les mettre, mais celle-là il a deux lettres pareilles, donc on a rentré l'une dans l'autre. À la base ça aurait été Aklala. Ça se dit pas. Donc on a rentré les deux lèvres ensemble, on fait Akol. Ça, tu vas l'apprendre, Inch'Allah, dans Sauf. Quand est-ce qu'on fait un idrom, quand est-ce qu'on rentre un harf dans un autre harf, ainsi de suite. Quand est-ce qu'un harf il change et devient une autre lettre. C'est quoi son origine? Ça, c'est dans le Sauf, Inch'Allah. Un Moustawa plus haut. Toi, pour l'instant, on prend le mot. Vous avez compris Akol, Alhamdulillah. Après, le pourquoi il est venu comme ça, ça va après, Inch'Allah. Non. Sinon, tu vas. Ça va être dur. Ça va être compliqué la tâche. Taïeb. Al-An, ça n'a trop le fait le hiwar. On rentre dans la conversation. Antastakram Mahmoudan ou Antel Mouazzaf. Taïeb. Et Kulu Wahid du Hawoud, il te jibe le jumla. Chacun d'entre vous essaie de traduire la phrase. S'il peut. Eh non, t'as fini la phrase, tu essaies de traduire, Inch'Allah. Si tu n'y arrives pas, Inch'Allah, ou ça aide donc. Je voudrais réserver pour Riyad. Non. Donc, Unzur déjà. Hein? Je pense que c'est tous des muslimoun. Il n'y a pas de salam. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Direct. Il arrive au Ridou Narjizal et Riyad. Et le Narjizal salam, Ifshel salam, c'est parmi les asbabs de la mahabba entre les gens. Donc là, tu t'étonnes pas que les gens ils sont tous de leur côté et gris les uns les autres. Ils ne font même pas le salam. Taïeb. Et c'est un bi, ou ridoul en arjiza de riad, quand un, il rentre dans un verbe,